L'homme qui a vu le diable par Gaston Leroux. Le coup de tonnerre fut si violent que nous pensâmes que le coin de forêt qui poussait au-dessus de nos têtes avait été foudroyé, et que la voûte de la caverne allait être fendue comme d'un coup de hache par le géant de la tempête. Nos mains se saisirent au fond de l'antre, s'étreignirent dans cette obscurité préhistorique, et l'on entendit le gémissement des marcassins que nous venions de faire prisonniers. La porte de lumière qui, jusqu'alors, avait signalé l'entrée de la grotte naturelle où nous nous étions tapis comme des bêtes, s'éteignit à nos yeux, non point que l'on fût à la fin du jour, mais le ciel se soulageait d'un si lourd fardeau de pluie qu'il semblait avoir étouffé pour toujours sous leur poids liquide le soleil. Il y avait maintenant au fond de l'antre un silence aussi profond que cette nuit soudaine. Les marcassins s'étaient tus sous la botte de Makoko. Makoko était un de nos camarades que nous appelions ainsi à cause d'une laideur idéale et sublime qui, avec le front de Verlaine et la mâchoire de Tropman, le ramenait à la splendeur première de l'homme des bois. Ce fut lui qui se décida à traduire tout haut notre pensée à tous les quatre, car nous étions quatre qui avions fui la tempête sous la terre, Mathis, Alan, Makoko et moi. « Si le gentilhomme ne nous donne pas l'hospitalité ce soir, il nous faudra coucher ici. » À ce moment, le vent s'éleva avec une telle fureur qu'il sembla secouer la base même de la montagne et que tout le Jura trembla sous nos pieds. Dans le même temps, il nous parut qu'une main soulevait le rideau opaque des pluies qui obstruait l'entrée de la caverne, et une figure étrange surgit devant nous dans un premier rayon vert. Makoko m'étreignit le bras. « Le voilà » dit-il. Je le regardais. Ainsi, c'était celui-là qu'on appelait le gentilhomme. Il était grand, maigre, osseux et triste. La pénombre fantastique, le décor exceptionnel dans lequel il nous apparaissait, contribuait même à le rendre funèbre. Il ne se préoccupait point de nous, ignorant certainement notre présence. Il était resté debout, appuyé sur son fusil, à l'entrée de la grotte, dans le rayon vert. Nous le voyions de profil. Un nez fort, aquilin, un nez de proie, une maigre moustache, une bouche amère, un regard éteint. Il était nu-tête. Son crâne était pauvre de cheveux, quelques mèches grises tombaient derrière l'oreille. On aurait pu dire exactement l'âge de cet homme. Il pouvait avoir entre 40 et 60 ans. Il avait dû être remarquablement beau, au temps où il y avait encore de la lumière dans cet œil glacé, au temps où ses lèvres de marbre souriaient encore. D'une beauté dominatrice et funeste. Je ne sais quelle sorte d'énergie terrible se cachait encore sous la ligne effacée de cette manière de spectre. L'impression devait nous en être donnée par le profil aigu et l'arcade sourcilière profonde, et surtout par ce front découvert, aux rides ardentes, accusatrices de passions farouches. L'homme était habillé d'un vieux complet de velours marron fort usé. Il avait de grandes bottes qui lui montaient à mi-cuisse. Mon regard, en descendant le long de ses bottes, rencontra quelque chose que je n'avais point aperçu tout d'abord et qui était entré dans la caverne en même temps que l'homme. C'était une sorte de chien sans poil, à l'échine huileuse, bas sur ses pattes et qui, tourné vers nous, aboyait. Mais nous ne l'entendions pas. Ce chien était de toute évidence muet et il aboyait contre nous en silence. Tout à coup, l'homme se tourna vers le fond de la caverne et nous dit, sur un ton empreint de la plus exquise politesse, « Messieurs, vous ne pouvez rentrer à la chaude fond ce soir. Permettez-moi de vous offrir l'hospitalité. » Puis il se pencha sur son chien. « Veux-tu te taire, mystère ?» fit-il. Le chien ferma sa gueule. Et Makoko grogna. Cette invitation était bien faite pour le stupéfier et pour nous étonner. Dans notre détresse, nous avions pensé à l'hospitalité du gentilhomme sans y croire et sans l'espérer. Depuis 5 heures que nous chassions sur cette crête, d'où l'on pouvait apercevoir le plateau inculte où s'élevait la gentilhommière, Mathis et Makoko nous avaient raconté à Alan et à moi, qui n'étions point du pays, les histoires les plus invraisemblables sur l'hôte de ces bois. Quelques-unes, inventées par les vieilles de la montagne, le représentaient comme ayant commerce avec l'esprit malin. Tout aboutissait à cette conclusion que l'homme était inabordable et n'abordait jamais personne. Il vivait là, enfermé dans sa gentilhommière avec une vieille domestique et un intendant aussi sauvage que lui, et cela depuis des années innombrables. Dans la vallée, personne n'eût pu dire à quelle époque cet être mystérieux, qui ne descendait jamais de son nid d'aigle, s'était installé dans la montagne. Il fallait nous décider, prendre un parti. Alan et moi, aidés des éléments, eûmes assez tôt fait de vaincre la répugnance de Makoko et de Mathis, et nous suivîmes notre singulière hôte dès qu'une courte accalmie nous eut permis de quitter notre refuge. Quand nous arrivâmes à l'antique manoir, une bonne vieille, courbée sur un bâton, semblait nous attendre, ou tout au moins attendre son maître sur le seuil même d'une grande salle, désolée et triste. Telles ces grandes salles des gardes d'autrefois, dont l'unique mobilier et l'unique ornement semblaient être le foyer immense, dévorateur de forêts. Elle nous dit qu'elle s'appelait la mère Rapunzel pour nous servir. Elle nous fit signe de la suivre et nous conduisit, par un escalier vermoulu, au premier étage, où se trouvaient nos chambres. Je revois encore notre hôte, vivrai-je 100 ans que je ne saurais oublier cette image, telle qu'il m'apparut dans le cadre de l'âtre quand je redescendis dans la salle où la mère Rapunzel avait préparé notre souper. Mes amis étaient déjà autour du feu, les Botobraises. Lui se tenait devant eux, debout dans un coin, sur la pierre du foyer de cette cheminée vaste comme une chambre. Il était en habit, et quel habit! D'une élégance suprême, mais extraordinairement défunte. Ainsi, pour nous recevoir, il était allé mettre son habit, le sien, celui de son grand-père ou de son trisaïeul. Il me parut que Brummel ne pouvait avoir eu d'autre élégance que celle-là. Le col de l'habit haut, les revers larges, le gilet de velours, la culotte et les bas de soie, la cravate, tout cela avait un grand air d'autrefois dont je n'aurais pu dire l'âge. Notre hôte avait les manières les plus nobles, c'est-à-dire les plus simples. Il me pria de prendre place au foyer, et nous voici partis à parler chasse. Ma coco, malgré sa gêne visible, ne résiste pas à nous conter quelques exploits. L'hôte, aimablement, l'approuve. Quant à moi, je ne puis détacher mes regards de ce visage pensif, surgissant tour à tour dans l'ombre et dans la flamme, si douloureux à voir dans sa singulière expression double d'énergie et de tristesse, de cette face si étrangement tourmentée, qui, dans son calme actuel, nous raconte, ride par ride, tous les bouillonnements de la jeunesse, comme un volcan raconte aux voyageurs, de toute la profondeur de ses crevasses, les prodigieux soulèvements de son cœur éteint. À côté de lui, regardant de ses yeux mi-clos le brasillement de la bûche, mystère, le museau sur les pattes est étendu. Un moment, il ouvre une large gueule et bâille, comme il avait aboyé, en silence, et je demande « Il y a longtemps que votre chien est muet ? Quel singulier accident lui est-il donc arrivé ?»« Il est muet de naissance, » répond l'hôte après une courte hésitation, comme si ce sujet de conversation ne lui plaisait point. « Mais j'insiste. Son père est-il muet ? Sa mère, peut-être ? Sa mère, et la mère de sa mère, » fait rudement le gentilhomme. « Et la mère de la mère de sa mère ? » ?»« Vous avez été le maître de l'arrière-grand-mère de mystère ? » ?»« Oui, monsieur. » Et c'était une bête fidèle qui m'aimait bien. Une bête de garde surprenante, ajouta l'hôte en marquant soudain une émotion qui m'étonna. Et elle était muette aussi, de naissance? Non, monsieur, non. Elle n'était point muette, mais elle l'est devenue, une nuit qu'elle avait trop aboyé. Eh bien, la mère Rapunzel, le souper est-il prêt? La vieille servante entrait avec une soupière fumante, dont elle était fort embarrassée à cause de son bâton. Alan courut à son secours. « Messieurs, si vous voulez me faire l'honneur de vous asseoir à ma table. » « Le souper est excellent. Nous avons tous une faim de loup. Alan et moi dévorons tout de suite ce qui tombe charitablement dans notre assiette. Ma coco et Matisse, qui semblaient, dès les premières cuillerées d'un potage fameux, redouter d'être empoisonnés, se décident à ne plus faire la petite bouche. La mère Rapunzel, pour arroser un cuisseau de chevreuil dont nous faisons nos délices, apporte 2 vieilles bouteilles de Neuchâtel. Le gentilhomme veille à ce que la conversation, malgré nos appétits déchaînés, ne languisse point. Il nous demande si nous sommes contents de nos chambres. Monsieur notre hôte, il faut que je vous fasse une prière. C'est moi qui parle. Toutes les têtes sont tournées vers moi. Je désirais coucher dans la mauvaise chambre. Je n'ai pas plutôt prononcé cette phrase que je vois la figure de notre hôte, si pâle déjà, blêmir encore. Qui vous a dit qu'il y avait ici une mauvaise chambre ? Demanda-t-il, retenant à grand-peine une irritation certaine. La mère Rapunzel, qui a porté un magnifique morceau d'emmental sur une assiette, se prend à trembler si fort qu'on entend l'assiette tambouriner à la table. « C'est toi, mère Rapunzel ? » ?»« Ne grondez pas, cette excellente femme. Mon indiscrétion seule est coupable. Je voulais entrer dans une chambre dont la porte était restée close et votre servante me l'a défendue. « N'entrez pas, m'a-t-elle dit, dans la mauvaise chambre. » « Et vous n'y êtes pas entré ?» Et j'y suis entré, Ah, mon Dieu! Gémit la mère Rapunzel en laissant tomber un verre qui se brise avec un singulier fracas. Va-t'en! Crie l'homme brutal. Et quand elle est partie, vous ne coucherez point dans cette chambre, on n'y couche plus. On n'y a point couché depuis 50 ans. Et qui donc y a couché pour la dernière fois? Moi. Et je ne conseillerai jamais à personne d'y coucher après moi. Ceci est dit avec un tel ton de colère mêlé d'effroi que mon désir et ma curiosité redoublent. Il y a 50 ans, vous étiez un enfant à cette époque, à l'âge où l'on a encore peur la nuit. Il y a 50 ans, j'avais 28 ans. 28 ans. Ainsi, cet homme a 78 ans, qui l'eût cru. Il est si droit, si haut, si volontaire. Ah, c'est un beau spectre de vieillard, bien vivant. Mais enfin, est-il indiscret de vous demander ce qui vous est arrivé dans cette chambre? Moi, je viens de la visiter, et il ne m'est rien arrivé du tout. Elle m'a bien paru la plus naturelle des chambres. J'ai essayé de redresser une armoire. Vous avez touché à l'armoire ? Hurle l'homme en jetant sa serviette et en venant vers moi avec des yeux de fou. Vous avez touché à l'armoire ? Oui, dis-je tranquillement. Elle allait tomber. Mais elle ne tombe pas ! Mais elle ne tombera jamais ! Mais elle ne se redressera jamais ! Mais c'est sa manière, elle, d'être comme ça, pour toujours, titubante, vacillante à jamais du poids qu'elle a porté, frémissante pour l'éternité. Nous nous sommes tous levés. La voix de l'homme était rauque. De grosses gouttes de sueur coulaient de son front. Ses yeux, que nous croyions morts, jetaient des flammes. Vraiment, il était effrayant à voir. Il me saisit le poignet et l'étreignit avec une force dont je l'eusse cru incapable. Et presque bas, cette fois, il me demanda « Vous ne l'avez pas ouverte ?»« Non. » « Tant mieux pour vous. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, non ? Eh bien, tant mieux pour vous. Ah, monsieur, vraiment, tant mieux pour vous. » Fébrile, il s'essuya le front, poussa un profond soupir, fit quelques pas désordonnés, et comme il passait près du foyer et que son chien le regardait curieusement aller et venir, toute sa colère, qu'il essayait visiblement de calmer, le reprit. « Et toi, et toi, et toi ? N'es-tu pas fatigué de me regarder en silence ? À la niche, à la niche ! » Est-ce pour aujourd'hui? Est-ce pour demain? Quand parleras-tu donc, mystère? Ou crèveras-tu comme les autres, en silence? Il avait ouvert la porte qui donnait sur la tour, et il talonnait furieusement son chien qui, à chaque coup, ouvrait la gueule de douleur. Nous étions fort impressionnés par cette scène inattendue. L'homme s'était enfoncé dans l'ombre de la tour, toujours poursuivant son chien. Ma Coco fit à mi-voix. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous ferez ce que vous voudrez, mais moi je ne me couche pas cette nuit. Je reste ici, dans cette pièce, jusqu'au matin. Moi aussi, dit Mathis. Alan déclara. Dame, ça vaut peut-être la peine de veiller. On va peut-être voir des choses amusantes. Taisez-vous, interrompit rudement ma Coco. Ne blasphémez pas. Et il ajouta. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Alan, agacé. Mais qu'est-ce que tu nous as donc dit? Ma Coco, penchée sur nous, les yeux hors des orbites. « Vous ne voyez donc pas que c'est un possédé ?»« C'est un malade, » dit Alan. « Oui, approuvai-je, un monomane. » Le reste du temps, normal, il reprit de sa frénésie quand il est subitement face de sa manie. « C'est un malheureux qui a certainement la manie de la persécution de l'au-delà. Son cerveau est la proie du diable. Ne prononce pas ce nom-là, surtout ici, » fit hâtivement ma Coco. Alan et moi, nous ne mîmes à rire. « Ne riez pas, » supplia Mathis. « Ah zut !» s'exclama Alan. « Vous n'allez pas, avec vos têtes de mort, nous empêcher de nous amuser. Il n'est pas 11 heures. Tâchez d'avoir le sourire. Nous avons 6 heures devant nous. Si nous faisions un petit poker, on va inviter notre hôte, ça lui changera les idées. » Et Alan, joueur forcené, tira un jeu de cartes de sa poche, le jeu avec lequel nous avions fait tous deux pendant le voyage de Paris à la Chaux-de-Fonds d'interminables parties d'écartés. Déjà, Alan, sur un coin de la table, avait déposé un jeu de 52 et trié du paquet les cartes dont il estimait n'avoir pas besoin. « Je garde les 6, hein ? Si nous jouons à 5. » Alan n'avait pas terminé son opération que le gentilhomme rentrait dans la salle. Il était relativement calme et l'on voyait qu'il avait occupé ces quelques minutes à reprendre ses esprits, mais par un phénomène dont nous ne pouvions comprendre la raison, dès qu'il aperçut le jeu de cartes sur la table, sa figure se transforma immédiatement et prit une telle expression d'épouvante et de fureur que j'en fus moi-même effrayé. « Des cartes » s'écria-t-il. « Vous aviez des cartes !» Ces mots sortent avec peine de sa gorge comme si une main invisible l'eût étranglé. Qui vous a dit de venir ici avec des cartes? Oui? Qui vous envoie avec des cartes? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que me voulez-vous encore? Il faut brûler les cartes. Il faut brûler les cartes. Sa main, d'un mouvement brusque, saisit le jeu sur la table. Il va le jeter dans le brasier quand son geste s'arrête à mi-chemin. Ses doigts, tremblants, abandonnent les cartes. Il se laisse tomber sur le fauteuil, pousse un cri rauque. J'étouffe, j'étouffe. Nous nous précipitons pour lui porter secours. Mais d'un seul effort de ses doigts maigres, il a déjà arraché son col, sa cravate, et maintenant, immobile, la tête haute, appuyé au dossier du vaste meuble, il pleure. Il pleure. Ses yeux orbites, profonds comme des cratères, laissent couler des larmes brûlantes. Et enfin, il parle d'une voix plaintive. Vous êtes de bons enfants. Il faut que vous sachiez. Vous ne vous en irez pas d'ici, comme ça, en me prenant pour un fou, pour un pauvre, malheureux, triste fou. Makoko et Mathis écoutent le vieux homme à en perdre la respiration. Alan et moi l'examinons comme des bons élèves de la faculté de Paris doivent considérer un cas curieux. Oui, fait-il, oui, vous saurez tout. Cela pourra vous servir. Et le cas curieux se lève, marche, marche, s'arrête en face de nous, nous fixe de son regard éteint à nouveau, dans ce regard qui a retourné, avec la brusque sortie de tout à l'heure, se réfugier au fond de ces deux trous, asile de cette âme tourmentée. Mon nom? Pourquoi vous dire mon nom, c'est bien inutile, et cela ne fait point partie de tout ce qu'il faut que vous sachiez, pour vous servir. Il y a 60 ans, j'entrais dans ma 18e année, j'ai été plus que vous, messieurs de Paris, audacieux et sceptiques. J'avais toute l'outrecuidance de la jeunesse. Je ne doutais de rien avec la prétention de nier tout. Je ne doutais surtout point de moi. La nature m'avait fait beau et fort. Le destin m'avait mis entre les mains une fortune redoutable. Je fus l'homme à la mode le plus célèbre de mon époque, messieurs. Paris, avec toutes ses joies, toutes ses fureurs, toutes ses orgies, m'a appartenu pendant 10 ans. Quand j'atteignis mes 28 ans, j'étais à peu près ruiné. Il me restait 200 000 ou 300 000 francs et cette gentilhommière avec les terres qui l'entourent, héritées par ma famille, qui ne s'en était jamais occupée. À cette époque, je tombais éperdument épris d'un ange, messieurs, quelque chose de plus beau et de plus pur que tout ce que vous avez jamais pu imaginer. Celle que j'aimais ignorait cette folle passion qui commençait de me dévorer et l'ignora toujours. Elle appartenait à une des plus riches familles de l'Europe. Pour rien au monde, je n'eusse voulu qu'elle soupçonnât que je briguais l'honneur de sa main pour remplir, avec sa dot, mes coffres vides. Je pris le chemin des tripots, et je jouais ce qui me restait avec la folle espérance de retrouver mes millions. Je perdis, et un soir je quittai Paris pour venir m'enterrer ici dans cette vieille gentilhommière, mon dernier refuge. Je trouvai dans cette retraite un vieillard, le père Appenzell, sa petite-fille dont j'ai fait plus tard ma servante et son petit-fils, un enfant bas âge qui a grandi sur ces terres et qui est mon intendant. J'y trouvai aussi dès le premier soir l'ennui et le désespoir. C'est le premier soir que tout arriva. Ici le gentilhomme suspendit un instant son récit, sembla écouter anxieusement le vent qui soufflait par toutes les lézardes et les brèches du manoir, puis, sans nous regarder, comme se parlant à lui-même, répéta « Oui, c'est le premier soir que tout arriva. » Quand je fus monté dans ma chambre, que l'on me demande à faveur d'habiter cette nuit, j'ouvris la fenêtre. La nuit éclairait de ses rayons morts la solitude sauvage des plateaux. Je regardais cet affreux désert où désormais il me faudrait vivre. J'écoutais mon cœur qui était si pitoyable, messieurs, que j'en eus pitié. Et quand je refermais la fenêtre, j'avais résolu de me tuer. Mes pistolets se trouvaient sur la commode. Je n'eus qu'à allonger la main. Ah, j'oubliais de vous dire que j'avais amené de Paris mon dernier ami, mon chien fidèle, une chienne. Une simple chienne que j'avais trouvée une nuit que je rentrais du tripot en maudissant le ciel, couchée devant ma porte. Comme je ne savais d'où elle venait ni à qui elle avait appartenu, je l'avais appelée Mystère. Dans le moment même que je prenais mes pistolets, elle se mit à hurler dans la cour, à ululer. Mais d'un ululement tel que je ne saurais le comparer à rien. Elle hurlait comme je n'ai jamais entendu hurler le vent, excepté ce soir. « Tiens, pensais-je, Voilà Mystère qui hurle à la mort. Elle sait donc que je vais me tuer ce soir. Je jouais avec mon pistolet, pensant soudain à ce qu'avait été ma vie, et songeant pour la première fois à ce que serait ma mort. Mon regard indifférent rencontra au-dessus de la commode, dans une petite bibliothèque pendue au mur, quelques vieux ouvrages et leurs titres. Je fus étonné de voir que tous traitaient de diablerie et de sorciers. Je pris un livre, « Les sorciers du Jura », et avec le sourire sceptique de l'homme qui s'est placé au-dessus du destin, je l'ouvris. Les deux premières lignes écrites à l'encre rouge me sautèrent aux yeux. Quand on veut voir sérieusement le diable, on n'a qu'à l'appeler de tout son cœur. Il vient. Suivait l'histoire d'un homme qui, amoureux et désespéré comme moi, ruiné comme moi, avait sincèrement appelé à son secours le prince des ténèbres et qui avait été secouru. Car quelques mois plus tard, redevenu incroyablement riche, il épousait celle qu'il aimait. Je lus cette histoire jusqu'au bout. « Eh bien, voilà un qui a eu de la chance, » m'écriai-je, et je rejetai le livre sur la commode. Dehors, Mystère ululait toujours. Je soulevai le rideau de la fenêtre et ne pus m'empêcher de tressaillir devant l'ombre dansante de ma chienne sous la lune. On eût dit vraiment que la bête était possédée, tant ses bonds étaient désordonnés et inexplicables. Elle avait l'air de happer une forme que je ne voyais pas. Elle empêche peut-être le diable d'entrer. Pourtant, je ne l'ai pas encore appelé. J'essayais de plaisanter, mais l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, la lecture que je venais de faire, le hurlement de ma chienne, ses bons bizarres, le lieu sinistre, cette vieille chambre, ses pistolets chargés pour moi, tout avait contribué à m'impressionner beaucoup plus que je n'avais la bonne foi de me l'avouer. Je quittai la fenêtre et marchai un peu dans ma chambre. Tout à coup, je me vis dans l'armoire à glace. Ma pâleur était telle que je crus que j'étais mort. Hélas non ! L'homme qui était dans cette armoire n'était point mort. Mais c'était un vivant qui évoquait le roi des morts. Oui, écoutez-moi, croyez-moi, j'ai fait ça. De tout mon cœur, je l'appelais à mon secours, Car j'étais trop jeune pour mourir. Je voulais jouir encore de la vie, être riche encore, pour elle, pour elle qui était un ange. Moi, j'appelais le diable, et alors, dans la glace, à côté de ma figure, quelque chose est venu, quelque chose de surhumain, une pâleur, un brouillard, une petite nuée trouble qui fut bientôt des yeux d'une beauté terrible. Toute une autre figure, resplendissante soudain à côté de ma face de damné, une bouche qui me dit « Ouvre ». Oui, elle m'a dit « Ouvre ». Alors j'ai reculé. Mais la bouche disait encore « Ouvre, ouvre si tu l'oses ». Et comme je n'osais pas, on a frappé trois coups dans la porte de l'armoire et la porte de l'armoire s'est ouverte toute seule. À ce moment, le récit du vieillard fut interrompu par trois coups frappés à la porte du manoir. Oui, dans l'instant même où le gentilhomme se dressait, les bras grands ouverts, devant la vision surgit du fond de son vivant souvenir et de son atroce angoisse, de l'armoire qui s'ouvrait toute seule, trois coups retentirent si fortement à la porte de la salle et si douloureusement en nous qu'on nous dit qu'on les avait frappés sur nos cœurs et nous sursautâmes sur nos escabeaux. Quant à notre hôte, il regardait la porte, ne dit plus un mot et s'appuya à la muraille pour ne pas tomber. Alors, devant nous, la porte de la salle qui donnait sur le plateau désert s'ouvrit lentement, toute seule. Le vent entra d'abord, aboyant de ses 100 voix comme une meute, et puis, derrière, vint un homme. Il repoussa la porte et se tint immobile sur le seuil. On ne voyait point sa figure, cachée sous les larges bords de son chapeau de feutre mou qu'il avait enfoncé jusqu'aux oreilles. Un manteau le recouvrait entièrement du col aux pieds. Pas plus que nous, il ne se décidait à parler. Mais il voulut bien enfin ôter son chapeau et nous vîmes une rude figure de montagnard, indifférente et flegmatique. « C'est toi qui as frappé comme ça, Guillaume ?» demanda le gentilhomme qui essayait vivement de se remettre de son émoi. « Mais oui, mon maître. »« Je ne t'attendais plus ce soir. » »« Les verrous n'étaient donc pas à la porte ?»« Pousse les verrous. Tu as vu le notaire ?»« Oui. Et je ne voulais pas conserver une pareille somme sur moi. » Nous comprîmes que Guillaume était l'intendant du gentilhomme. Il s'avança jusqu'à la table, sortit un petit sac de dessous son manteau, se mit à en extraire des papiers qu'il jeta sur la table et regarda son maître. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Demanda celui-ci. Le nouveau venu nous montra. Ces messieurs, ce sont des amis à moi. L'homme fit paraître quelque étonnement. Il ne savait évidemment point que son maître pouvait avoir des amis. Tout de même, il sortit encore une enveloppe de son sac, la vida sur la table. Elle contenait des billets de banque. Il compta 12 billets de 1000. « Voilà le prix du bois de misère, » dit-il. « C'est bien, Guillaume, » dit notre hôte en prenant des billets de banque et en les remettant dans l'enveloppe. « Tu dois avoir faim. Tu coucheras ici ce soir ?»« Non, impossible. Il faut que j'aille chez le fermier. Nous avons affaire demain à la première heure. Mais je vais manger un morceau. Va trouver la mère Rapunzel, mon garçon, elle te soignera. » Et comme l'intendant se dirigeait déjà vers la cuisine, « Remporte toutes tes paperasses. » « Au fait, » dit l'homme. Il ramasse les papiers pendant que le gentilhomme sort un portefeuille de la poche de son habit. Il place l'enveloppe contenant les 12 billets de 1000 et remet le portefeuille dans sa poche. Sitôt que l'intendant a disparu par la porte de l'office, Makoko, que l'intermède prosaïque de cette vulgaire affaire d'argent n'a pu détourner de l'histoire de l'hôte, Makoko, impatient et inquiet, demande « Et alors ?»« Alors ?» reprit l'hôte, les sourcils rapprochés subitement. « Oui, alors, l'armoire. L'armoire. Oui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'armoire ? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'armoire ? Vous voulez savoir ce qu'il y avait dans l'armoire ? Eh bien, je vais vous le dire, messieurs, je vais vous le dire, ce qu'il y avait dans l'armoire. Il y avait quelque chose que j'ai vu, des yeux que voilà, quelque chose qui m'a brûlé les yeux. Il y avait, messieurs, des lettres de feu au fond de l'armoire, des lettres qui m'annonçaient une nouvelle, une grande nouvelle. En deux mots, tu gagneras. « Oui, » ajouta le gentilhomme d'une voix sombre, « le diable, en deux mots, m'avait au fond de l'armoire, en lettres brûlantes, écrit mon destin. Il avait laissé là sa signature, la preuve supérieure du pacte abominable que je passais avec lui dans cette nuit tragique, tu gagneras. Ne l'avais-je pas appelé de tout mon cœur, sincèrement, désespérément, de toutes les forces de mon être qui ne voulait pas mourir, ne l'avais-je pas appelé ? Eh bien, il était venu. Ah, par le Seigneur Dieu !» Messieurs le diable, quand on l'appelle, ne se fait pas attendre. Et c'est un maître qui ne lésine pas sur le prix dont il paye ses serviteurs. Il achète les âmes, mais il ne marchande pas. Tu gagneras. Je hors décavé, je veux redevenir riche, riche. Il me dit simplement, tu gagneras. En deux mots, il me donne toute la fortune du monde. Tu gagneras. Cette phrase de l'enfer, messieurs, me foudroya. Le lendemain matin, le père Rapunzel me trouva écroulé au pied de l'armoire. Quand on me réveilla, quand on me fit revenir à moi, hélas, je n'avais rien oublié. Je ne devais rien oublier jamais. Partout où je vais, messieurs, partout où je passe, la nuit et le jour, sur le mur des ténèbres, sur le disque éclatant du soleil, sur la terre et dans les cieux, en moi-même, quand je ferme les yeux, sur vos fronts, quand je vous regarde, je lis la phrase flamboyante de l'enfer, « Tu gagneras !» Le vieillard se tut, épuisé. Et il se laissa retomber sur son fauteuil en gémissant. Makoko et Mathis étaient éloignés de lui. Alain et moi le considérions avec une immense pitié. Voilà donc, pensions-nous, où conduit la folie du jeu. Elle conduit à la folie, tout simplement. Alain secoua le malaise qui nous étreignait. « Monsieur, » dit-il d'une voix hésitante, « vous avez certainement été victime d'une hallucination. » Le gentilhomme redressa sa tête effroyable. « Ah, voilà une idée, jeune homme. Cela fait plaisir à entendre des idées pareilles, une hallucination. C'est une idée surprenante qui ne viendrait pas au premier imbécile venu. Je l'ai eue, messieurs, cette idée-là, et dès le lendemain de la nuit fatale où tout arriva, quand j'eus reconquis mes esprits, quand avec la lumière du jour, je vis nettement le contour des choses et pus suivre sans défaillance le cercle précis de ma pensée, je me dis tout haut, pour entendre de mes deux oreilles le son clair de ma pensée d'homme, de ma pensée raisonnable d'homme qui raisonne. « Tu as eu une hallucination. Arrête-toi sur le bord de l'abîme. Garde-toi de devenir fou à cause d'un rêve. Rêve, cauchemar, hallucination. Cette figure à côté de la tienne, ces yeux, cette bouche, cette splendeur inconnue, la forme du diable surgit dans cette glace qui ne reflétait que les formes créées par ton cerveau malade. Hallucination, hallucination. Comment as-tu pu croire que tu avais vu le diable et ces lettres de feu au fond de l'armoire, cette promesse venue de l'enfer, tu gagneras, hallucination, toi, gagner, mais c'est à mourir de rire. et aller tout de suite demander chez lui une explication au diable qui s'est moqué de toi. Et je partis à rire en effet. Aussi, comme je riais, le père Appenzell entra dans ma chambre. Il faut que vous sachiez que mon hallucination, comme vous dites, m'avait tellement ému que j'avais dû garder le lit. Le père Appenzell m'apportait quelques tisanes et il me dit « Monsieur, il se passe une chose incroyable. Votre chienne est devenue muette. Elle aboie en silence. » « Oh, je sais !» m'écriai-je. « Elle ne doit retrouver la voix que lorsqu'il reviendra. » Qui ? Qui avait prononcé ces mots ? Moi ? Vraiment, oui, c'était moi. Le père Appenzell me regarda stupéfait et épouvanté, car il paraît que dans ce moment-là, mes cheveux se dressaient sur ma tête. Mes yeux allaient, malgré moi, à l'armoire. Le père Appenzell, aussi inquiet, aussi agité que moi, me dit encore. « Quand j'ai trouvé monsieur ce matin sur le carreau, l'armoire était penchée comme elle l'est en ce moment et la porte ouverte. J'ai refermé la porte, mais je n'ai pu redresser l'armoire. Elle retombe toujours. » Je priai le père Appenzell de me laisser. Une fois seul, je suis descendu de mon lit. Je suis allé à l'armoire. Je l'ai ouverte. Ah, mon émotion en ouvrant la porte. La phrase, messieurs, la phrase écrite avec du feu y était encore. Elle était gravée dans les planches du fond. Elle avait brûlé les planches en s'y imprimant. Et j'ai lu le jour comme j'avais lu la nuit ces mots « Tu gagneras ». J'ai fait un bond hors de ma chambre. J'ai appelé, j'ai hurlé. Le père Appenzell est revenu. Je lui ai dit « Regarde dans l'armoire et dis-moi ce que tu y vois. » Mon serviteur regarde à son tour dans le meuble et m'a dit « Tu gagneras ». Je m'habillai. Je m'enfuis comme un fou de cette demeure maudite. L'air de la montagne me fit du bien. Quand je rentrai le soir, j'étais tout à fait calme. J'avais réfléchi. Mon chien pouvait être devenu muet par un phénomène physiologique tout naturel. Quant à la phrase de l'armoire, elle n'était pas venue là toute seule. Et comme je ne connaissais pas ce meuble auparavant, il était probable que les deux mots fatidiques se trouvaient là depuis des années innombrables, inscrits par quelques fétichistes à la suite d'une histoire de jeu qui ne me regardait pas. Je soupais. Je me couchai dans la même chambre et la nuit se passa sans incident. Le lendemain, je m'en fus à la Chaux-de-Fonds chez un notaire. Toute cette aventure hallucinante de l'armoire n'avait réussi qu'à me donner l'idée de tenter une dernière fois la chance du jeu avant de mettre mes projets de suicide à exécution. Et je m'étais tout à fait nettoyé de la pensée du diable. Je pus emprunter quelques billets de 1000 sur les terres de la gentilhommière et je pris le train pour Paris. Quand je gravis l'escalier du cercle, je me souvins de mon cauchemar et me dis ironiquement, car je ne croyais guère au succès de cette suprême tentative, « Nous allons voir cette fois-ci, le diable aidant. » Je n'avais point achevé ma phrase. On mettait la banque aux enchères quand je pénétrais dans le salon. Je l'ai prise pour 200 louis. Je n'étais pas arrivé au milieu de la taille que je gagnais 250 000 francs. Seulement, on ne pontait plus contre moi. Oui, j'avais effrayé la ponte, car je gagnais tous les coups. J'étais radieux. Je n'avais jamais songé à la possibilité d'une chance pareille. J'ai donné une suite, c'est-à-dire que j'ai abandonné à la fin de la banque. Personne n'a pris la suite. Je me suis amusé à donner les coups pour rien, pour voir, pour le plaisir. J'ai perdu tous les coups. Ce furent des exclamations sans fin. On me trouvait une chance d'enfer. Et vraiment, j'avais abandonné la banque au bon moment. J'ai ramassé mon gain et je suis sorti. Sur le boulevard, j'ai réfléchi et j'ai commencé à être inquiet. La coïncidence de la scène de l'armoire et de cette banque fantastique me troublait. Et tout à coup, je me surpris, retournant en cercle. Voilà, je voulais en avoir le cœur net. Ma joie éphémère était troublée par le fait que je n'avais pas perdu un coup, un vrai coup, avec de l'argent. Eh bien, je voulais perdre un coup. Je ne retournais au cercle que pour perdre un coup. Cette fois, messieurs, quand je suis sorti du cercle à 6 heures du matin, je gagnais, tant en argent que sur parole, 2 millions. Mais je n'avais pas perdu un coup, pas un seul. Et je me sentais devenir fou furieux. Quand je dis que je n'avais pas perdu un coup, je parle des coups d'argent. Car ceux que je donnais en blanc, pour voir, pour rien, pour le plaisir, ceux-là je les perdais inexorablement. Mais dès qu'un ponte mettait contre moi 10 sous sur une carte, oui, j'avais essayé, j'avais voulu essayer 10 sous. Ces 10 sous, je les gagnais. 1 sou ou 1 million, c'était tout comme. Je ne pouvais plus perdre. Tu gagneras. Ah, malédiction, malédiction. 8 jours, 8 jours, j'ai essayé. Je suis allé dans d'affreux tripots. Je me suis assis chez des Grecs qui donnaient à jouer. Je gagnais contre les Grecs. Je gagnais contre tout le monde. Je gagnais. Ah, vous ne riez plus, messieurs. Vous ne riez plus de moi, ni du diable. Voyez-vous, messieurs, il ne faut rire de rien, de rien. Quand je vous le disais que j'ai vu le diable, me croyez-vous maintenant, me croyez-vous? J'avais la certitude, la preuve palpable, évidente pour tous, la preuve naturelle et terrestre de mon pacte abominable avec le diable. Il n'y avait plus pour moi de loi des probabilités, il n'y avait plus de probabilité, il n'y avait plus que la certitude surhumaine du gain éternel, éternel jusqu'à la mort, la mort. Je ne pouvais même plus y songer pour la désirer. Pour la première fois, j'avais peur de la mort. J'avais la terreur de la mort, à cause de ce qui m'attendait au bout. Ah, racheter mon âme, ma pauvre âme de damnée. Je suis entré dans les églises, j'ai vu des prêtres, je me suis abîmé sur les parvis, j'ai heurté les dalles sacrées de mon front en délire. J'ai prié Dieu pour perdre, comme j'avais prié le diable pour gagner. Au sortir du lieu saint, j'allais hâtivement dans le lieu infâme, et je mettais quelques louis sur une carte, et il faut croire, messieurs, que le diable est au moins aussi puissant que Dieu, car j'ai continué à gagner toujours. Tu gagneras. L'homme s'arrêta. Sa tête était retombée sur sa poitrine. Il semblait parti pour quelque rêve affreux qui l'éloignait tout à fait de nous. Nous n'existions plus pour lui. Quelques minutes s'écoulèrent ainsi dans un pesant silence. « Et qu'avez-vous fait ? » demanda ma coco. « Oui, fit Mathis. Comment, après cette horrible révélation, avez-vous pu vivre ? Comment avez-vous vécu ?» Notre hôte nous regarda désespérément. « Messieurs, dit-il, j'avais été élevé en chrétien. Ma famille était très croyante et ma mère était une sainte. Les quelques années de désordre de ma première jeunesse d'homme n'avaient pas réussi à étouffer en moi tout sentiment religieux. Je n'avais plus qu'une terreur, quand j'examinais mon épouvantable situation, la terreur d'avoir perdu mon âme pour toujours. Plus qu'un espoir, celui de la racheter, et je cherchais par quel sacrifice au-dessus des forces humaines je pourrais y réussir. Je vous ai dit de quel violent et pur amour mon cœur était empli. Les millions regagnés et ceux qui pouvaient m'appartenir encore me permettaient d'aspirer enfin à la main de celle que j'aimais plus que tout au monde. Pas une seconde, je ne voulus m'arrêter à cette idée que je pourrais tenir mon bonheur de ces millions maudits. J'offris mon cœur à Dieu, en holocauste, et les millions gagnés aux pauvres, et je suis venu ici, messieurs, attendre patiemment la mort qui ne vient pas, et dont j'ai peur. Et vous n'avez jamais joué depuis ? M'écriai-je. Je n'ai jamais joué depuis. Alan avait compris ma pensée. Il songeait lui aussi qu'il serait peut-être possible de sauver de sa monomanie cet homme que nous nous obstinions tous deux à considérer comme un fou. « Je suis sûr, dit-il, qu'après un pareil sacrifice, vous avez été pardonné. Votre désespoir a été certain, sincère, votre punition terrible. Qu'est-ce que Dieu pourrait exiger de plus ? Ah, monsieur, moi, à votre place, j'essaierai. Vous essayerez quoi ? S'écria l'homme, se levant tout droit. « J'essaierai de savoir si je gagne toujours. » L'autre regarda Alan avec une expression de haine indicible. « Vraiment, monsieur, c'est ce que vous me conseillez ? Mais qui donc êtes-vous pour me conseiller une chose pareille ? D'où venez-vous ? Encore une fois, qui vous envoie ? Vous ne savez donc pas, pauvres gens, que j'ai résisté à cette tentation-là pendant 50 ans, et que pour la vaincre, il m'a fallu plus de force et d'énergie qu'il n'en faudrait un homme qui n'a pas mangé depuis 8 jours, pour refuser de prendre le morceau de pain qu'une main charitable lui tendrait. « Une main charitable, » repris-je. L'homme frappa la table d'un coup de poing terrible. « Vous appelez ça de la charité ? C'est de la charité que de me tendre un jeu de cartes, n'est-ce pas ? Et de me dire « Jouez !» Et si je perds ? Vous gagnerez la seconde partie. Et si je perds encore ? Vous jouerez encore, et je suis sûr qu'un moment viendra où vous gagnerez. » Je ne m'imaginais point que j'allais déchaîner une pareille colère. L'homme rugit. Une sorte de bave blanchâtre moussa à ses lèvres. « Alors c'est tout ce que vous avez trouvé. C'est tout ce que le récit d'un malheur qui dépasse la terre vous a inspiré. Faire jouer un vieux fou pour lui démontrer qu'il n'est pas fou. Car je vois bien dans vos yeux ce que vous pensez de moi. Il est fou, il est fou, il est fou. Mais non, taisez-vous par le Seigneur, vous mentez. » Tout ce que je vous ai dit, vous ne croyez rien, rien, rien que ma folie, jeune homme. » Il m'avait saisi à nouveau le poignet et le brisait, et pendant qu'il me tenait ainsi de la tenaille effroyable de ses doigts de mort, sa colère se rua encore sur Alan. « Et vous aussi, vous croyez que je suis fou, fou, fou. Je vous dis que j'ai vu le diable, que j'ai vu le diable. Le vieux fou a vu le diable, et il vous le prouvera par l'enfer. Des cartes. Où sont les cartes ? Il les vit sur le coin de la table et sauta dessus. C'est vous qui l'aurez voulu. Je m'étais laissé cet espoir suprême de mourir sans avoir à nouveau tenté l'infernale expérience. Ainsi, à l'heure de ma mort, j'aurais pu m'imaginer avoir été pardonné. Vous ne l'aurez pas voulu. Que le diable à son tour vous damne. Tenez, voici vos cartes. Je ne veux pas y toucher. Elles sont à vous. Battez-les, arrangez-les. Distribuez-moi les cartes que vous voudrez. Je vous dis que je vais gagner. Me croyez-vous maintenant ? Alan, tranquillement, avait pris les cartes et en extrayait un jeu de 32. L'homme lui mit la main sur l'épaule. « Vous ne me croyez pas ?»« Nous allons voir !» fit Alan. « Oui, répétai-je, nous allons voir !» Malcoco se leva et se mit entre nous, car il eut peur d'une dernière violence de l'hôte. Et puis cette affaire-là ne lui allait pas du tout à Malcoco. « Il ne faut pas faire ça !» me dit-il, très ému. « Je vous en prie, ne faites pas ça !»« Oui, ajouta Matisse, laissez-le tranquille. Vous avez tort, il ne faut jamais tenter le diable. Ah, fichez-nous la paix avec votre diable, fit Alan impatienté. Voici les cartes, monsieur. Notre hôte, pendant cette rapide intervention de mes amis, semblait avoir reconquis un peu de sang-froid. Il s'était rapproché de la table, s'était assis. Alan et moi avions pris place en face de lui. Que jouons-nous ? Demandai-je. L'homme répondit d'une voix sinistre. « Je ne sais pas, messieurs, si vous êtes riches, mais je vous annonce à vous qui venez me prendre mon dernier espoir, que vous êtes ruinés. » Là-dessus, il prit son portefeuille dans sa poche, le portefeuille dans lequel nous lui avions vu ranger les 12 000 francs. Il le plaça sur la table, entre lui et nous, et dit « Je vous joue, en 5 secs à l'écarté, tout ce qu'il y a dans ce portefeuille, ceci pour commencer. Je vous jouerai ensuite toutes les parties que vous voudrez. » Jusqu'à ce que je vous rejette à ma porte tout nu, votre ami et vous, ruinés pour la vie, tout nu. Tout nu, reprit Alan, qui était beaucoup moins impressionné que moi. Vous voulez donc jusqu'à nos chemises, jusqu'à vos âmes, dit l'homme, que je donnerai au diable pour qu'il me rende la mienne en échange. Alan se tourna vers moi. Ça va, me demanda-t-il en clignant de l'œil. Nous sommes de moitié dans la partie. Je ne demande pas à ma Coco ni à Matisse. Ceux-ci profitèrent de ce qu'Alan les avait nommés pour recommencer leurs protestations et leurs prières. « Ne faites pas ça, ne faites pas ça !»« Ah, messieurs, maintenant, je réclame du silence !» ordonna l'hôte d'une voix rude et vibrante. Malcoco et Matisse se turent, mais ils restèrent près de nous tremblants comme si un grand danger nous menaçait. Alan me dit « Allons, toi qui es fort à l'écarté, tiens les cartes !» Je pris la place d'Alan, un vague sourire aux lèvres, mais au fond, assez ému. Et cependant, il ne faisait pas de doute pour moi que, puisque nous pouvions jouer toutes les parties que nous voudrions, je finirais bien par gagner, une fois ne serait-ce qu'une fois. Et cette fois-là, nous rendrait tout ce que nous avions perdu, Alain et moi, et de plus, rapporterait peut-être le calme dans le cerveau troublé de notre hôte. Je me mis à battre rapidement les cartes et présentai le paquet à mon partenaire. Il coupa, je donnai. Je retournai le valet de cœur. L'autre regarda son jeu et joua. Manifestement, il n'aurait pas dû jouer le jeu qu'il avait en main. 3 petits trèfles, la dame de carreau et le 7 de pique. Il fit la dame de carreau, je fis les 4 autres plis, et comme il avait joué d'autorité, je marquai 2 points. Il ne faisait pas de doute pour nous que le gentilhomme faisait tout son possible pour perdre. Ce fut à son tour de donner. Il tourna le roi de pique. Il ne put se défendre d'un mouvement convulsif quand il aperçut sous ses doigts cette image noire qui lui donnait malgré lui 1 point. Il regarda son jeu anxieusement. Ce fut à mon tour de demander des cartes. Il en refuse, croyant évidemment avoir très mauvais jeu, mais j'avais aussi mauvais jeu que lui, et comme il avait un 10 de cœur, qui prit immédiatement mon 9 que j'avais joué pour risquer le coup de la couleur longue, j'avais le 9, le 8 et le 7 de la même couleur, il n'eut joué du carreau que je ne pus lui offrir, et 2 trèfles plus forts que les miens. Ni l'un ni l'autre n'avions d'atout. Il marqua 1 point, ce qui, avec le point du roi, lui en faisait 2. Nous étions à égalité. L'un ou l'autre pouvait finir du coup s'il faisait 3 points. La donne m'appartenait. Je tournai le 8 de carreau. Cette fois, chacun demanda des cartes. Il en demanda une et me montra celle qu'il jetait. C'était le 7 de carreau. Il ne voulait pas avoir d'atout en main. Il réussit dans ses désirs et parvint à me faire marquer 2 points de plus, ce qui me faisait 4. Alain et moi regardâmes malgré nous le portefeuille. Nous pensions, il y a là une petite fortune qui va nous appartenir, et que nous n'aurons pas eu, en conscience, assez de mal à gagner. Quand l'eau eut donné à son tour et que je vis le jeu qu'il m'avait distribué, je crus que l'affaire était réglée. Cette fois, le gentilhomme n'avait pas tourné un roi, mais le 7 de trèfle. J'avais 2 cœurs et 3 atouts. Le roi et l'as de cœur, l'as, le 10 et le 9 de trèfle. Je jouais d'autorité le roi de cœur. Mon partenaire fournit la dame. Je jetai sur la table l'as de cœur. Mon partenaire fut forcé de le prendre avec le valet de cœur qui lui restait. Et il joua un carreau que je coupais avec mon atout. Je rejouai atout de l'as. Il me le prit avec la dame d'atout, mais je l'attendais à sa dernière carte avec mon 10 de trèfle. Il avait le valet d'atout. Comme j'avais joué d'autorité, il marqua 2 points. Cela nous faisait 4 as. Entre ses lèvres closes, l'autre tint une malédiction qui ne demandait qu'à sortir. « Allons, » fis-je, « il n'y a encore rien de gagné. Ne vous désolez pas. » Il grogna, d'un grognement de fauve à l'affût que l'on dérange. Ses yeux ne quittaient pas les cartes. « Nous allons vous démontrer, » fit Allen, dans le silence de tous, « que vous pouvez perdre comme le plus simple des hommes. » Il râla. « Je ne puis pas perdre. » L'intérêt de la partie atteignait à son maximum d'intensité. Un seul point de part ou d'autre, et l'un de nous avait gagné. Si je tournais le roi, la partie était finie, et je gagnais 12 000 francs à cet homme qui prétendait ne point pouvoir perdre. Pendant que je donnais, une anxiété générale nous tenait tous muets. On n'entendait que le tumulte du vent qui, dehors, ébranlait le manoir jusque dans ses fondements. J'avais donné. Il me restait à retourner la carte qui allait indiquer l'atout. Je tournais le roi. Le roi de cœur. J'avais gagné. Le gentilhomme poussa un cri d'allégresse qui nous déchira le cœur, tant il ressemblait à un cri de désespoir. Il se pencha sur la carte, il la prit, il la considéra, la palpa, il l'approcha de ses yeux, et nous avons pu croire qu'il l'approcherait de ses lèvres. Il murmura. « Est-ce bien possible ? Mon Dieu, alors j'ai perdu ?»« Il paraît, » dis-je en essayant de sourire. Mais la joie de notre hôte était si pénible à voir que nous n'eûmes pas le courage de triompher. Seulement, Allen ne put retenir une réflexion. « Vous voyez bien qu'il ne faut pas croire tout ce que raconte le diable. » Makoko et Mathis essuyèrent leur front en sueur. Déjà, ils nous avaient vus ruinés, damnés, maudits, Allen et moi. Le gentilhomme, dans une émotion telle qu'il laissait à nouveau couler ses larmes, des larmes de bonheur cette fois, prit son portefeuille et l'ouvrit. « Ah, messieurs, gémit-il, soyez bénis, vous qui m'avez gagné tout ce qu'il y a là-dedans. » « Que ne s'y trouve-t-il 1 000 000 ? Je vous le redonne avec joie. » Et en tremblant, il fouilla dans le portefeuille, il le vida des quelques papiers qu'il contenait. Il s'étonna de ne point y trouver tout de suite les 12 000 francs qu'il y avait mis. Il ne les trouva point. Il n'y était point. Le portefeuille, retourné fébrilement de tous les côtés dans toutes ses poches, était vide. Le gentilhomme avait perdu ce qu'il y avait dans le portefeuille, mais il n'y avait rien dans le portefeuille, rien. Notre hôte avait rejeté loin de lui son fauteuil. Il était debout. Ses ongles lui labouraient la chair des joues et nous nous étonnions que cette peau parcheminée eût encore du sang. Ce sang lui coulait cependant sous les yeux comme des larmes rouges. Quant à nous, nous étions moins effrayés de l'aspect du vieillard que de ce phénomène inexplicable, le portefeuille vide. Car nous avions vu, tous les quatre, l'intendant comptait les 12 000 francs, les remettre au vieillard, et nous voyions encore celui-ci les replacer dans l'enveloppe et mettre l'enveloppe dans une poche du portefeuille. Sans prononcer une parole, nous prîmes le portefeuille et le touchâmes de nos doigts. Nos doigts sont allés jusqu'au fond du portefeuille et n'y ont rien trouvé. L'hôte, hagard, hors de lui, se fouillait et nous suppliait de le fouiller. Nous l'avons fouillé. Nous l'avons fouillé parce qu'il était impossible de résister en ce moment à sa volonté en délire. Et nous n'avons rien trouvé, rien, rien. Oh, fit l'hôte, écoutez, écoutez. Quoi, quoi? Le vent. Eh bien, le vent. Vous ne trouvez pas que le vent a une voix de chienne ce soir? Nous avons écouté et Makoko a dit. Oui, c'est vrai, on dirait que le vent aboie, là, derrière la porte. Et tout à coup, nous avons fait tous un mouvement de recul, car la porte était secouée étrangement et nous entendions une voix qui disait « Ouvre !» L'hôte nous faisait signe qu'il ne pouvait pas parler, mais son geste énergique nous défendait d'ouvrir. « Ouvre » criait-on encore derrière la porte. Et je me suis décidé à crier moi aussi « Qui est là ?» Et tous « Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ?» Makoko prit le fusil que j'avais déposé en entrant dans cette salle au coin du buffet et il l'arma. « Tu es ridicule, » fis-je d'une voix mal assurée, et j'allai à la porte. Je collai l'oreille à la porte. « Qui est là ?»« N'ouvre pas !» firent ensemble Matisse et ma coco. Je tirai les verrous et j'ouvris la porte. Une forme humaine s'engouffra dans la pièce. « C'est l'intendant !» dis-je. C'était en effet l'intendant. Il s'avança en pleine lumière. Il paraissait très troublé. Il dit « Monsieur, monsieur !»« Eh bien quoi ?» demandâmes-nous, tous pressés de savoir, haletant. « Monsieur, je croyais vous avoir remis. Je vous avais remis, je suis sûr de vous avoir remis vos 12 000 francs. Ces messieurs ont pu voir. Oui, oui, oui. Eh bien, je viens de les retrouver dans mon sac. Je ne sais pas comment cela se fait. Je vous les rapporte. Encore une fois, les voilà. » Et l'intendant ressortit la même enveloppe et recompta les 12 billets de 1 000 et l'ajouta. « Je ne sais pas ce que la montagne a ce soir, mais elle me fait peur, et je vais coucher ici. » Maintenant, les 12 000 francs sont sur la table. Nous les regardons tous, ces 12 billets qui viennent et qui s'en vont et qui remuent d'une façon si inquiétante. Et nous ne savons que dire, ni que penser, ni que croire, ni que ne pas croire. Mais l'autre nous crie. « Cette fois, ils sont là, là, devant nous. Ne les perdez pas de vue, n'y touchez pas. Nous les toucherons que lorsque nous les aurons gagnés. À l'ouvrage, au jeu. Où sont les cartes? Ah, voici les cartes. Tenez, tenez, donnez les cartes. Les 12 000 en 5 secs. Pour voir, pour savoir. Ah ça, mais monsieur, m'entendez-vous? C'est à moi de vous prier maintenant. À quoi pensez-vous? Je vous dis que je veux savoir, savoir. Et il me bouscule, m'assied de force sur un escabeau, me met le jeu dans la main et se replace en face de moi dans son vaste fauteuil en rugissant. Je donne les cartes. Mon partenaire m'en demande. Je refuse. Il a 5 atouts. Il marque 2 points. Il donne les cartes. Il tourne le roi. Je joue d'autorité. Il a encore 5 atouts. 3 et 2, 5. Il a gagné. Alors? Alors il hurle. Oui, comme le vent. Comme le vent qui a une voix de chien ce soir. Il arrache les cartes. Il les jette dans le brasier. Au feu, les cartes. Au feu, les cartes. Ils sont 2 à hurler. Lui dedans, le vent dehors. Mais le voilà qu'il se dirige vers la porte, recourbé. Le mufle en avant comme une bête de proie qui va bondir, tout le poil hérissé. C'est que, dehors, c'est bien un chien qui aboie, un chien dont l'hurlement farouche domine la voix du vent, un chien qui hurle à la mort. L'homme est arrivé à la porte, il se redresse le long de la porte, et là, à travers le bois, il demande à voix basse, « Est-ce toi, mystère ?» Par quel phénomène le chien et le vent se testent-ils ensemble en même temps? L'homme, tout doucement, tire les verrous en trouvant la porte. La porte n'est pas plutôt ouverte que le jappement infernal reprend avec un éclat et un prolongement si lugubre que nous en frissonnons jusqu'au moelle. Et l'autre s'est rejeté sur la porte avec une telle force que nous avons pu croire qu'il l'avait brisée. Non content d'avoir tiré les verrous, il la maintient longtemps encore de ses genoux et de ses bras étendus, sans un mot, ne nous laissant entendre que le bruit de sa respiration haletante. Puis, quand le jappement mortuaire eut cessé, qu'il n'eut plus que du silence dehors comme dedans, il se retourna vers nous, fit quelques pas d'une démarche d'automate et nous dit « Il est revenu, prenez garde !» Minuit. On s'est séparés. L'hôte nous a quittés. Ma coco et Matisse sont restés auprès du foyer mourant, en bas. Alain est allé se coucher dans sa chambre et moi, conduit par je ne sais quelle force intérieure qui me domine, je me retrouve dans la mauvaise chambre. Je me prends à faire les mêmes gestes que l'autre. Je touche au même livre, je l'ouvre à la même page, je vais à la fenêtre, je soulève le rideau, je vois le même paysage lunaire, car le vent a chassé depuis longtemps toutes les nuées de tempête, tous les brouillards. Il n'y a plus là-bas que des rochers nus, éclatant comme l'acier sous les rayons de l'astre des nuits, et sur le plateau désert, une ombre dansante, incroyablement dansante, celle du mystère, qui ouvre une gueule formidable, une gueule que je vois aboyer. Mais l'entends-je? Oui, en vérité, il me semble que je l'entends. Je laisse retomber le rideau. Je prends ma bougie sur la commode. Je m'avance vers l'armoire. Je me regarde dans la glace de l'armoire. Je songe à celui qui a écrit les mots qui sont dans l'armoire. Ma pensée ne peut se détacher de celui-là. Quelle est cette figure dans la glace? C'est la mienne. Mais est-il possible que la face de notre hôte, lors de la nuit fatale, eût été plus pâle que celle-là qu'est la mienne? Oh oui, j'ai la figure du mort. Et à côté, là, là, ce petit nuage, cette petite buée trouble dans la glace, à côté de ma figure, ces yeux si terribles, cette bouche. Ah, crier, crier, je ne puis pas. Je ne puis même pas crier, quand j'entends frapper 3 coups, et ma main, Ma main va d'elle-même à la porte de l'armoire, ma main curieuse, ma main maudite. Soudain, ma main est prise dans un étau que je connais. Je me retourne. Je suis en face de notre hôte qui me dit, d'une voix d'outre-tombe, « N'ouvrez pas !» Épilogue. Le lendemain, nous n'avons point demandé au gentilhomme de nous donner notre revanche. Nous avons littéralement fui sa demeure sans l'avoir revue. Le soir, par les soins du père de Makoko, à qui nous avions raconté notre aventure, 12 000 francs furent portés à notre singulier hôte. Il nous les renvoya avec ce mot, « Nous sommes quittes. Lors de la première partie que vous avez gagnée comme lors de la seconde que vous avez perdue, nous avons cru, vous et moi, jouer 12 000 francs. Cela doit nous suffire. Le diable a mon âme, mais il n'aura pas mon honneur. Nous ne tenions pas du tout à conserver ces 12 000 francs. Nous en fîmes don à un hôpital de ce Chaux-de-Fonds qui en avait grand besoin. Quand les réparations urgentes, grâce à notre générosité, furent faites, l'hôpital, une nuit d'hiver, brûla si bien que le lendemain, à midi, il n'en restait que des cendres. Heureusement, il n'y eut aucun accident de personne à déplorer. Ainsi s'achève « L'homme qui a vu le diable » par Gaston Leroux.